Voilà, c'est l'intempestive. La Califata. La Califata. Le film s'achève dans un silence où l'émotion palpite. La película s'acaba en un silencio palpitante d'émotion. Gros plan sur un hôpital psychiatrique de Buenos Aires. Plano general de un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Vétuste. Decrépito. Des salles communes de 10-15 lits. Salas comunes de 10-15 camas. Des patients couchés, la radio à l'oreille. D'autres prostrés. Pacientes acostados escuchando la radio. Otros postrados. Recroquevillés en fœtus. Acurrucados en posición fetal. Au sol, un chat et un chien s'observent. En el piso, un gato y un perro se miran. Prêtant des coudes. Se acechan. Appelés par les malades pour des caresses. Présence tellement vivante dans ce lieu sans chaleur. Los enfermos los llaman para acariciarlos. Presencia tan viva en ese lugar sin calor. Le temps stagne. El tiempo está inmovilizado. Les salles surchauffées. Las salas colmadas. Les longs couloirs défilent. Los largos pasillos desfilan. Zoom sur la cour où quelques arbres malingres achèvent de crever. Zoom sobre el patio donde los árboles flacos terminan de morir. Le cœur se serre, les poings aussi. El corazón apretado y los puños también. Et là, y ahí, dans une flaque de lumière, en un charco de luz, de la vie. Vida. On s'affaire, on crie. On rit autour du matériel d'enregistrement de la radio. Movimientos, gritos, risas alrededor del material de grabación de la radio llamada La Califata. Baptiser La Califata, traduire Les Doudingues. Depuis 1991, La Califata est la radio non officielle de l'hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires. Un seul direct par semaine, le samedi de 14h à 21h, ouvert à qui veut, et qu'on peut entendre dans un rayon de quelques centaines de mètres. Mais la radio est aujourd'hui connue bien plus largement et a donné des idées à diverses personnes passées par la psychiatrie, au Mexique, en France, en Espagne et ailleurs. Conversation à bâton rompu lors de l'événement Radio Activities à Bruxelles avec Clément Marmoz, tout juste de retour d'un stage à la Califata. L'entretien est parsemé d'extraits d'émissions de la radio et de la télé La Califata et de Transatlantique, que vous avez pu écouter à l'instant. Un montage réalisé dans le cadre d'un échange entre la Califata et Radio Citron, une web radio parisienne, également faite par des personnes en psychiatrie. Donc la radio, elle émet une fois par semaine, c'est ça? Ouais. Le samedi. Le samedi, de 2h à 9h, mm-hmm. dans un périmètre de 300-400 mètres à peu près. Qu'est-ce qui, enfin, les autres jours de la semaine, à part le samedi, comment est-ce que la Califata est présente? Comment est-ce que ça se manifeste? La Califata, ils ont leurs locaux qui sont en dehors de l'hôpital. Donc, parce qu'ils sont pas du tout affiliés à l'hôpital en fait, ils sont, ouais, réellement ils ont aucune existence au sein de l'hôpital officiellement. Il y a, quand tu regardes l'organigramme de l'hôpital ou les activités proposées par l'hôpital, il y a jamais écrit La Califata. Eux, ils ont monté une association qui s'appelle Association La Califata. Ils ont leur bureau dans Buenos Aires, quoi. Et donc le reste de la semaine, et ben ils font, avec l'enregistrement qui a eu lieu le samedi, ils ont plusieurs réunions où en fait ils décident de faire ce qu'ils appellent des mini-programmes, où ils appellent ça des pilules aussi, enfin, pour faire référence un peu à la pilule médicamenteuse, des mini-programmes de 3 à 4 minutes à peu près, qui en fait sont des bouts de l'émission qui a été enregistrée le samedi et qui revendent après à des radios nationales et même internationales puisqu'ils en revendent en Espagne. Voilà, et c'est le choix, il est fait en fait en réunion, ils se réunissent et puis ils décident que ça peut être peut-être plus intéressant à programmer qu'autre chose. Et la personne qui s'occupe du montage réellement, c'est une personne qui vient jamais à la Califata, qui est jamais là lors de l'enregistrement, en fait. C'est un choix qu'ils ont fait que la personne qui s'occupe de la partie très technique du montage soit vraiment sur quelque chose de strictement radiophonique plutôt que... C'est quelqu'un qui connaît pas les Califatos, en gros. Et donc le reste de la semaine, après, sinon, ils font... ils sont aussi dans plein de mouvements de lutte pour la santé mentale. Du coup, ils peuvent participer à des événements comme des rassemblements de soutien devant, enfin des rassemblements de contestation plutôt que de soutien devant le Parlement. Là, il y a 3 jours, ils ont réussi à s'incruster dans le bureau de la présidente d'Argentine, Cristina Kirchner, et ils ont réussi à rester 3 heures à prendre des photos d'eux avec Cristina Kirchner qui portait des t-shirts Radio La Colifata. Pour rompre les murs, tout ça. Du coup, voilà, ils sont dans plein de choses un peu, on va dire, périphériques à la santé mentale, quoi. C'était quoi leur revendication, là, sur cette action? Là, c'était du soutien à une pour accélérer le processus, en fait, d'une nouvelle loi sur la santé mentale en Argentine qui consiste à, en gros... essayer d'humaniser un peu plus le rapport à la folie, et notamment, par exemple, dans cette loi, c'est une remise en cause, pas une remise en cause, mais en tous les cas, un cadre à l'internement d'office. C'est aussi des décrets qui permettent aux patients d'avoir plus de droits, notamment, par exemple, le droit d'avoir un avocat en cas d'internement abusif. Le fait que le traitement il est négocié et que c'est pas quelque chose d'imposé. Mais en gros, ouais, c'est un peu une loi qui va aller... qui veut un peu casser les gros hôpitaux psychiatriques de Buenos Aires. Par exemple, celui-là où j'étais, où il y a la Colifata, qui s'appelle l'hôpital Joseph T. Borda, lui, il accueille 3000 personnes, et c'est un hôpital... en gros, en France, c'est l'hôpital des années 50, quoi. C'est crade, ça pue, il y a des fuites d'eau de partout, il y a des rats de partout, les chiottes, ils sont inaccessibles, donc tout le monde va faire ses besoins dans le jardin, tout ça. Et en gros, c'est pour promouvoir, là, la loi, elle va essayer de promouvoir un peu des structures plus cool et plus... des plus petites structures, en tout cas... où les droits des patients seront peut-être un peu plus respectés, on va dire. Mais là, quand tu dis « il », tu parles des gens qui sont internés à l'intérieur du Borda, des gens qui participent à la Colifata, qui peuvent sortir, du coup, ou bien... Ça dépend. Il y en a qui peuvent... Il y en a qui ont des autorisations de sortie, d'autres non. La Colifata, ils se battent beaucoup pour que les personnes qui n'ont pas le droit de sortir, par exemple, pour demander des autorisations... pour qu'ils puissent sortir pour aller à des événements qui se passent par exemple à Mendoza, qui est une autre ville, une autre grande ville d'Argentine, ou alors même pour pouvoir... ils sont régulièrement invités en Europe, en France, en Espagne ou en Italie, pour que Alfredo, généralement qui est la personne qui se déplace, qui est le fondateur de la Colifata, puisse partir avec un ou deux patients pendant une semaine à Paris, une semaine à Barcelone... Voilà, ils essayent de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas le droit de sortir puissent sortir un maximum. Parce que, on va dire que sur la quarantaine de patients qui viennent régulièrement, il y en a une dizaine qui n'ont pas le droit de sortir, en fait. Estas son las cifras definitivas. Carlos Menem, 24.3%. Kirchner Scioli, 22%. Estamos acá recibiendo el escrutinio final de las elecciones aquí en el Borda City y ha dado por ganador a Carlos Saúl Menem con el 25% del escrutinio. ¡Y va Balotage! En 2003, à l'occasion de la présidentielle en Argentine, la Colifata organise des élections pour les patients de l'hôpital officiellement privés de droit de vote. Les résultats sont similaires à ceux de l'extérieur. En blanco. 5%. El doctor Carlos Méndez, 22%. Y el doctor Kirchner, 73%. Doctor Kirchner, desde acá, desde el ombligo del mundo, le decimos: no nos vaya a defraudar. Conclusión. La conclusión es clara. Se vota igual adentro y afuera del Borda, lo que quiere decir que o afuera votan de una manera media loca, o que en realidad los pacientes del Borda están en condición de votar. On vote pareil à l'intérieur ou à l'extérieur du Borda, ce qui signifie soit qu'à l'extérieur, ils votent de façon à moitié folle, soit qu'en réalité, les patients du Borda sont aptes à voter. Est-ce que tu peux, parce qu'on parle de la radio, etc., mais faire un petit historique, alors d'où elle est née cette radio, dans quel cadre, ce que c'est exactement? Alors, elle est née en 1991, où elle est née, c'est Alfredo Oliveira, donc, qui était un stagiaire psychologue qui avait, je crois, 21 ans à l'époque, donc qui devait faire un stage de psychologie à l'hôpital Borda, qui se faisait royalement chier dans l'hôpital et qui savait pas trop quoi faire, et qui a décidé d'emmener un enregistreur... un vieil enregistreur cassette dans l'hôpital et qui a commencé à enregistrer en fait une discussion avec des patients et là petit à petit il a commencé à venir régulièrement et à faire ça de manière hebdomadaire toutes les semaines avec un micro. Il s'est mis en contact avec une... Alors ça, je sais pas s'il avait des contacts auparavant, mais en tout cas, il s'est mis en contact avec une petite radio communautaire du quartier qui a commencé à diffuser ces mini-programmes-là. Il leur donnait les mini-programmes et en gros, voilà, il les diffusait. Et il a mis en place aussi une ligne téléphonique pour que les gens qui écoutent puissent réagir, puissent répondre, puissent donner leur avis, et aussi il invitait les personnes extérieures à l'hôpital à venir dans l'hôpital, puisque bon, on peut pas forcément sortir de l'hôpital, mais on peut toujours y rentrer, quoi. Plus facile d'y rentrer que d'en sortir, on va dire. Voilà, et donc petit à petit, ces mini-programmes, ils commençaient à avoir un peu un petit taux d'audience, et pas mal de gens venaient de l'extérieur, du coup, pour regarder ce qui se passait vraiment à la Kolifata. Et du coup, ils ont commencé à diffuser à un peu plus de radios, à des radios qui émettaient surtout Buenos Aires, et puis des radios d'autres régions d'Argentine. Et ça a duré comme ça pendant une dizaine d'années. Et dans les années 2000, ils ont commencé à être de plus en plus célèbres, enfin d'avoir une reconnaissance en tous les cas. De leur travail, parce que ils ont fait des rencontres assez fortes, notamment une rencontre avec Manu Chao qui a eu l'occasion, je sais pas comment il a écouté la Kolifata à ce moment-là, mais bon, Manu Chao qui est venu à la Kolifata et qui a décidé de faire un album à la Kolifata par la suite avec les patients, qui a invité les patients de la Kolifata à un concert, à un gros concert. Voilà, qu'on voit dans un des films, le film qu'on a vu hier soir. Et là, la radio a commencé à être reconnue toujours en dehors de la psychiatrie, en fait. Ça n'a jamais été reconnu au sein de l'institution psychiatrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, la radio n'existe pas officiellement dans l'organigramme ou dans les grilles d'activité de l'hôpital. On fait partie de la radio La Kolifata. Et cette soirée, on va en profiter. On a le droit d'être heureux. Allô Mars, est-ce que vous me recevez ? Oui, ici dans le ciel, on voit beaucoup de voitures vertes. Il y a des bateaux, des hélicoptères et des avions. Yeah. Ici dans le ciel, il fait 13 degrés d'humidité et 17 degrés de température. Les émissions, alors ça se passe comment ? C'est les patients qui prennent les émissions en main, qui choisissent les thèmes, c'est des débats, c'est quoi ? Alors les émissions, elles se déroulent le samedi de 2h à 2h de l'après-midi à 9h du soir en hiver et je crois jusqu'à minuit, ça peut durer jusqu'à minuit en été. Donc là, en gros le dispositif c'est, il y a un demi-cercle avec 4 micros qui tournent. Donc dans le demi-cercle, il y a une quarantaine de patients et des visiteurs extérieurs. Qui viennent, voilà, il y en a beaucoup qui viennent parce que ils sont étudiants en psychologie ou je sais pas quoi et que ça intéresse. Mais il y a aussi pas mal de gens qui viennent, qui ont en fait un ami ou un frère ou je sais pas qui est interné dans l'hôpital et à qui ils vont rendre visite le samedi et qui entendent le bruit de la Colifata parce que c'est diffusé en direct dans l'hôpital et ça s'entend un peu de partout. Et qui viennent voir au final, enfin au fur et à mesure de chaque samedi, qui viennent voir ce qui se passe à la Colifata. Et ça commence donc à 2h, ça commence par la grille des programmes. Donc là, chaque patient propose une rubrique en fait, où il dit qu'il veut faire telle rubrique. Et des rubriques qui sont un peu piliers depuis 20 ans. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Ever qui propose le moment Momento Boliviano parce que lui il est bolivien, il a interné depuis 25 ans dans l'hôpital et lui il propose du coup son moment Boliviano qui consiste à écouter de la musique bolivienne et voilà. Alors du coup c'est un moment par exemple où il y a tout le monde qui se lève pour danser avec lui, c'est un moment qui est assez émouvant, ça clôture un peu le samedi de la Colifata, parce que le soir il y a beaucoup moins de monde, il reste on va dire une vingtaine de personnes, et c'est un moment qui est plus intime en fait, qui est plus... personnellement je trouvais que c'était le moment le plus fort de l'enregistrement en fait, ces moments du soir. Mais en tout cas par rapport à ta question, c'est les patients qui décident de ce dont ils ont envie de parler, les visiteurs peuvent aussi proposer des rubriques. Donc voilà, ça donne des trucs assez... ça donne des choses un peu... des fois, ça pose des conflits parce qu'il y a des personnes qui voudraient parler, qui n'ont pas le temps de parler finalement. L'animation, elle est faite en fait par l'équipe de professionnels qui travaillent. Mais elle est surtout faite par deux patients en fait, qui chaque samedi s'occupent d'annoncer chaque rubrique, de donner la parole, voilà. Et l'émission, elle commence à chaque fois par, après la grille des programmes, le micro tourne, tout le monde prend à un moment le micro dans la main en fait, qu'on soit visiteur, qu'on soit patient ou professionnel, tout le monde dit qui il est, quoi. Enfin, s'inscrit un moment dans le programme. Et voilà, cette émission, elle est diffusée en direct dans le quartier de l'hôpital Borda, qui est le quartier très glauque et très zone de Buenos Aires, complètement reclus dans le sud de Buenos Aires. C'est le quartier pauvre, en gros, de Buenos Aires, le quartier de la Constitution. Attention, voici l'horoscope, annonce Micaela. Escuchen. Micaela annonce l'horoscope. La rieuse fille a mis sa robe soleil et peigné ses cheveux broussailles. La chica risueña se puso un vestido de sol y peinó su pelo rebelde. Signe du mois, le bélier. Signos del mes, Aries. Qui en est ? Hay alguno aquí ? Pablo. Bon, bueno. Voilà. Les béliers, arrêtez de foncer tête baissée. Los Aries paren de correr sin mirar adelante. Tout le monde se marre. Todo el mundo ríe. Sagittaire, attention au coup de lune. Sagittarios. Cuidado con la luna. C'est fini pour aujourd'hui. Se acabó por hoy. On écoute Esperanza pour les chroniques de la cité. Sigue Esperanza con la crónica de la ciudad. Roulement de tambour, information de dernière minute. Redoble de tambor, información de último momento. Manu Chao vient chanter pour nous samedi. Tonnerre d'applaudissements. Manu Chao viene a cantar para nosotros el sábado. Lluvia de aplausos. Fin. Fin. quand tu parles de l'équipe des professionnels qui encadrent un peu ça, c'est qui? Alors, c'est une équipe qui est composée du coup d'Alfredo qui, lui, a une formation de psychologue, qui est aussi prof, je crois qu'il est prof à la fac même en psycho. Il y a Déborah qui est donc la psychiatre, celle qui a un statut de psychiatre, voilà. Il y a, j'ai oublié son nom, mais une personne qui s'occupe de la technique, et deux autres personnes qui s'occupent plus qui sont à mi-temps les deux, et qui s'occupent plus de faire tourner le micro, de solliciter les personnes qui ont l'air d'avoir envie de parler mais qui parlent pas, de dire à des personnes que peut-être ils parlent un peu trop et qu'il faudrait laisser la place aux autres, qui aussi rappellent à l'ordre généralement les visiteurs plus que les patients, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que voilà, le gros problème qui peut se poser par exemple, c'est que c'est des visiteurs qui viennent, qui se mettent à 10-20 mètres de l'endroit où se fait l'enregistrement, qui prennent des photos. Voilà, déjà les photos normalement sont interdites à la Colifata, et d'autre part, c'est pour éviter, c'est le fait que quand il y a une émission et qu'on est là pour une émission, on est tous là pour une émission, on n'est pas là pour, on n'est pas là en tant que patient, en tant que soignant, soigné, il y a moins ce rapport-là, en fait. Tout le monde peut intervenir, les professionnels, ils interviennent autant que les patients, peut-être un peu moins, mais voilà. Par exemple, le dernier samedi où j'étais là-bas, il y a Alfredo qui posait le problème du fait qu'il y ait de moins en moins de patients et de plus en plus de visiteurs. Et voilà, c'est lui qui faisait sa rubrique, en fait, en gros, en sollicitant les personnes. Bon, il a toujours cette idée, lui, plus de vouloir faire parler les gens plutôt que de parler lui-même, mais il est là au même titre que les autres, quoi. Et tout... Même s'il a quand même un regard qui est peut-être plus en termes de processus, il ne s'intéresse pas qu'au processus de ce qui se passe, de la rubrique qui se passe en ce moment-là, il pense aussi à la Colifata dans son ensemble. Ouais. Tous les patients peuvent participer à l'émission. Ouais, tout le monde peut participer à l'émission. Il y a des gens qui viennent pendant 3 minutes prendre le micro parce qu'ils étaient dans leur chambre, ils ont entendu un truc qui les a énervés et ils viennent pour le dire. Il y a un dispositif qui est assez pensé, qui est en termes de placement tout ça, mais il n'y a pas d'obligation d'y aller, et il n'y a pas d'obligation de... Il n'y a pas une interdiction d'y entrer non plus, quoi. Enfin, quiconque vient peut venir parler, et je sais pas, par exemple, il y a un mec qui vient tous les samedis, et qui vient, lui, il s'inscrit pas dans les programmes, il n'inscrit pas sa rubrique, mais il vient pendant 1 minute 15 tous les samedis. Et au moment où il vient, on sait qu'on va lui donner le micro, qu'il va dire son truc et qu'il va partir. Voilà, il n'y a pas une règle en disant non, faut que tu attendes ton tour ou je sais pas quoi. C'est voilà. Le principal, c'est que tu parles, c'est que tu dises quelque chose. Aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directement de l'hôpital Borda. Et c'est voilà. à l'intérieur de l'hôpital des hommes, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, il y a quatre hôpitaux qui s'enchaînent dans une rue absolument sordide, par le fait qu'il y ait des palmiers et des perroquets, c'est... y a un hôpital d'enfants, il y a un hôpital de personnes âgées, il y a un hôpital d'hommes et un hôpital de femmes. Et ça se passe dans l'hôpital d'hommes, donc qui est le plus gros, qui s'appelle l'hôpital Borda. Après, il y a des personnes de l'hôpital des personnes âgées qui viennent, les femmes aussi de l'hôpital de femmes qui viennent. Il y a des personnes qui ont été internées il y a déjà 15 ans qui continuent à venir à la Colifata. Il y a des personnes qui n'ont jamais été internées, qui viennent tous les samedis, mais qui... Voilà. Et ça se passe au cœur de l'hôpital, dans le jardin de l'hôpital, à l'extérieur. Et ça se passe... ça m'avait assez marqué, c'est que ça se passe juste en face du service pénitentiaire de l'hôpital psychiatrique. Donc Ça se fait dans le jardin et juste en face, on a la prison avec les barbelés, les policiers en surarmée qui écoutent la Kolifata. C'est-à-dire voilà. c'est pour les criminels qui sont jugés fous ou pour les fous qui deviennent ingérables, cette prison, c'est quoi ? C'est un doux mélange entre les deux, on va dire. Je connais pas hyper bien le fonctionnement, mais je crois qu'il s'agit en fait des criminels qui ont à un moment été jugés fous et aussi des fous qui n'arrivent plus à être gérés, que l'hôpital n'arrive pas à gérer dans un service normal. Généralement, c'est les personnes violentes, quoi. C'est les personnes qui peuvent passer dans des agressions physiques. Voilà, mais par exemple, moi j'ai jamais rencontré ce mec-là, mais il y en a un apparemment qui fait assez régulièrement l'aller-retour entre un service et le service pénitentiaire de l'hôpital, et qui vient à la Kolifata quand il n'est pas dans le service pénitentiaire de l'hôpital, parce que ceux qui sont dans le service pénitentiaire peuvent évidemment pas sortir. Souvent il y a des communications qui se font entre les gens de la radio Kolifata et leurs potes qui sont enfermés juste en face. Douce chaîne de la santé mentale, plus belle que les ailes suicidaires de la liberté et de la folie. Je suis Napoléon. Je suis un homme très malade. Il n'y a qu'une seule partie de mon corps qui est bonne. C'est pour ça que je me nomme Bonaparte. Salut Hugo, comment ça va? Bien, je ne sais pas si tu as vu, mais je suis déguisé en Napoléon. Parce que dans les histoires drôles et dans les films, il y a toujours quelqu'un déguisé comme Napoléon pour représenter le fou. Mais oui, comme ça les gens se rendent compte qu'un doudingue, c'est un être humain et qui veut faire partie de la société. Est-ce qu'il y a dans les émissions, dans les prises de parole des patients, est-ce qu'il y a déjà une totale liberté d'expression et puis du coup des critiques de l'hôpital lui-même qui peuvent émerger à travers ça? Alors il y a une totale liberté d'expression. Moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est pour avoir fait de la radio avant en institution psychiatrique. C'est que réellement, on peut dire tout à la Kolifata. On peut tout dire à la Kolifata. Et ça se passe bien. Pourtant, les gens qui sont accueillis, parfois, ont l'air d'avoir des délires en tous les cas. Ouais, faut savoir que dans l'hôpital, en fait, majoritairement, c'est des personnes qui sont retrouvées à l'hôpital par rapport à la France. C'est des personnes qui étaient un peu SDF et qui ont pété les plombs suite à des prises de drogue abusives. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Majoritairement, c'est des personnes qui sont sur des problèmes d'addiction à des drogues. Voilà, et du coup, ta question, c'était quoi? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a une critique de l'hôpital? Ouais. Du coup, la parole est entièrement libre. Juste ce que je voulais dire, c'est que elle est entièrement libre, mais il y a un effet, je pense, assez contenant du groupe, en fait, et même du dispositif radiophonique, du fait qu'il y ait des micros, tout ça, qui fait que on assiste... Enfin, moi, j'ai jamais vu des propos qui pourraient être complètement indécents, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas... Il y a des choses qui vont assez loin, qui sont dites qui vont assez loin, mais bon, ça reste du propos assez... Enfin, normal, quoi. Enfin, entre guillemets, normal. Et il y a de la critique, il y a des critiques de l'hôpital qui se font, généralement tous les samedis. Il y a des petites anecdotes qui se racontent. Voilà, mais c'est même pas que c'est des critiques sur l'hôpital, c'est plus des réflexions, en fait, qui se font à travers des critiques. Par exemple, moi, je suis parti là-bas avec une émission où à un moment, une émission qu'on a faite en France avec 4 patients d'un service de psychiatrie à Paris. Et à un moment, il posait la question de comment ça se passait la psychiatrie en Argentine. Il y avait peut-être une image un peu erronée qui serait l'Argentine, un pays pauvre, où la psychiatrie, c'est la torture, tout ça. Réellement, c'est pas vraiment pire qu'en France. Ouais, peut-être un peu à certains niveaux, mais pas forcément. Et, Et par exemple, il y a aussi des gens qui défendent l'hôpital. Des patients qui défendent l'hôpital, qui défendent leur, qui disent « Mais moi, s'il n'y avait pas eu l'hôpital, si on ne m'avait pas soigné, c'est sûr que je serais mort dans la rue. » Voilà, du coup, il y a plus des espèces de réflexions sur le service hospitalier que des critiques. Il y a aussi des critiques assez radicales, quoi, mais dans le cadre de ces réflexions-là, quoi. Voilà. Et la Kolifata, du coup, c'est un peu la discussion qu'on avait hier après le film. Tu disais que la Kolifata ne se positionne pas dans un mouvement d'antipsychiatrie, quoi. C'est pas que je dirais ça, c'est juste que la Kolifata, pour beaucoup de gens, a l'image d'un mouvement antipsychiatrique, un mouvement antipsychiatrique fort. Ce qui est sûr, c'est que la Kolifata n'est pas acceptée au sein de l'institution psychiatrique, qu'elle est en permanence en butte à l'institution psychiatrique, notamment parce qu'il y a avec cette libre parole des patients, Alfredo, par exemple, sollicite aussi des fois les critiques radicales de l'hôpital. La Kolifata se trouve en butte tout le temps à l'institution psychiatrique. C'est même monté en résistance à l'institution psychiatrique, à l'espèce d'ennui qu'il pouvait se sentir dans l'institution psychiatrique. Après, ils sont pas, voilà, ils sont pas par rapport à un autre lieu qui existe aussi dans cet hôpital qui s'appelle le Fronte Artistas, je crois que ça se dit comme ça, du Borda, qui eux se réclament clairement de l'antipsychiatrie italienne, des mouvements du type Basaglia, tout ça. La Kolifata s'inspire beaucoup de mouvements, des pensées antipsychiatriques, mais ne revendique pas la fin de la psychiatrie. Il demande en tous les cas que les patients participent au processus, aux choix qui les concernent, quoi. Enfin, à ce qui les concerne, c'est-à-dire comment ils ont envie d'être soignés, quoi. Comment ça se soigne, cette souffrance que peut apporter la folie, la psychose, je sais pas comment on peut l'appeler, quoi, mais... Merci à Alfredo et à toute son équipe. Gracias Alfredo y a todo su equipo. Bravo pour leur ténacité à faire advenir cette radio. Formidable espoir pour les claquemurés des HP d'Argentine et d'ailleurs. Felicitaciones por su tenacidad en hacer vivir esa radio. Maravillosa esperanza para todos los internados de los hospitales psiquiátricos de Argentina y del mundo. Ici à Paris, nous avons enregistré des messages pour ceux de la Kolifata et voulons tisser des liens avec eux. Acá en París grabamos mensajes para lo de la Kolifata y queremos tejer vínculos con ellos. Après avoir vu ce film, je me demande ce qu'est devenu l'antipsychiatrie en France, ce formidable mouvement dépsychiatriser la folie qui vit la création de la Borde, aux antipodes d'encore trop nombreux établissements où la parole des internés est muselée, leurs droits élémentaires bafoués. Después de haber visto la película, me pregunto qué pasó con la antipsiquiatría en Francia. Ese fabuloso movimiento de psiquiatrizar la locura que vio la creación de la Borde, diametralmente opuesto a demasiadas instituciones donde la palabra de los internados es callada y sus derechos elementales atropellados. Abrazos a tous les colifatos y a bientôt sur les ondes. Eliane. Justement, c'est cette prise de parole des patients, quel impact elle a pu avoir sur, déjà sur les auditeurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital, et puis éventuellement sur la direction de l'hôpital, quoi. Est-ce qu'il y a eu du coup des changements par rapport à ça? Déjà, le premier truc, là c'est très personnel, je ne vais pas parler au nom de la Kolifata, parce que déjà j'en fais pas partie, mais la Kolifata revendique... Je pense que ce qui est à soigner, c'est pas la personne, c'est le lien, c'est un lien social qui est défectueux à un moment. Et évidemment que la Kolifata a participé grandement à Buenos Aires, en tout cas au fait qu'il y ait des gens qui viennent voir et écouter ceux qu'on n'écoute pas et ceux qu'on ne va pas voir. Et alors l'impact là-dessus, il a été assez énorme, quoi. C'est réellement quand on voit un concert où de Manu Chao il y a je sais pas combien de milliers de personnes et qu'il y a les 40 Kolifatos qui montent sur scène et qu'il y a une salle entière qui crie Kolifata, Kolifata, Kolifata. Déjà, moi, je trouve que c'est une image qui est assez forte et assez rare, en fait, pour que ça soit accueilli, quoi, pour que ça soit accueilli dans la société civile, on va dire. C'est déjà assez fort. Après, au niveau de l'hôpital, ce que je disais tout à l'heure, quoi, la Kolifata, c'est toujours pas reconnu comme quelque chose de soignant au sein de l'hôpital. Voilà, c'est ça, en fait, au niveau thérapeutique, c'est pas reconnu comme une démarche. Le fait de faire prendre la parole aux patients, c'est pas reconnu comme une démarche thérapeutique, c'est ça que je voulais te Alors, demander. Eux, ils veulent pas faire de la radiothérapie, mais en tous les cas, ils pensent que ça peut être soignant, mais soignant pour tout le monde, c'est-à-dire pour le médecin comme pour le patient, c'est que la radio, ça peut permettre c'est soignant parce que ça crée de la rencontre, et qui sort un peu de l'image, justement. Et oui, ils sont pas reconnus parce qu'ils sont pas considérés comme étant soignants, ouais. Que ça soigne pas des gens de faire de la radio avec eux, en fait. Ça soigne pas des gens de se faire entendre jusqu'en Espagne, en France. Il n'y a pas un constat empirique de ce qui se passe là sur le terrain, de gens qui ont, je sais pas, qui allaient mieux ou qui ont réussi à décrocher par rapport aux médicaments ou à retrouver une forme d'autonomie ou une... Si, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui sont sorties de la Kolifata et qui vont de l'hôpital et qui vont dire que réellement c'est la Kolifata qui les a aidés à pouvoir... Il y en a qui ont trouvé un emploi avec la Kolifata, par exemple. Il y a des gens qui ont trouvé du boulot avec la Kolifata, des choses comme ça. Il y a des gens qui passent des annonces du type « je cherche un appartement ». Bon, ça marche moins bien, mais pour tout le monde, ça marche pas de trouver des appartements. L'hôpital va pas dire que c'est la Kolifata, enfin le constat empirique, ils vont dire oui, il est sorti, mais c'est parce que on a fait un traitement adapté, tout ça. Mais la Kolifata sera pas. Mais peut-être que c'est tant mieux, hein, qu'elle soit jamais reconnue par l'hôpital. Peut-être que c'est tant mieux. Et d'ailleurs, Alfredo, je parle beaucoup d'Alfredo, mais parce que c'est réellement, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment le désir de faire ça. Je suis pas sûr qu'ils revendiquent, en tous les cas, qu'ils disent que la Kolifata c'est soignant, que ça peut aider, mais que lui ça soigne autant que ça soigne les patients, c'est certain, mais il se bat pas tant que ça pour que ça soit reconnu par l'hôpital. Voilà. Après, ils vont se battre sur d'autres choses, c'est-à-dire d'un point de vue économique, par exemple. Aujourd'hui, la Kolifata ça va très très mal économiquement. Bon, ils vont essayer de s'en sortir, mais ils savent pas, ils sont toujours un peu. Sur la Select, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer l'année d'après. Là, ça fait 3-4 mois que personne n'est payé à la Kolifata, par exemple. Sachant que ça fait que 5 ans qu'Alfredo est salarié, et ça fait que 3 ans qu'il y a d'autres salariés qu'Alfredo. Voilà. Mais par exemple, les sous qu'ils ont, c'est pas de l'hôpital, c'est ni du ministère, c'est pas du ministère de la Santé, c'est pas de subvention d'État. C'est strictement des fondations, notamment la fondation Manu Chao et la fondation Francis Ford Coppola pour le développement de l'Argentine. Par exemple, quand Manu Chao a fait son CD là-bas, de l'argent a été reversé à la Kolifata. Quand Coppola a fait son film en partie là-bas, de l'argent a été reversé aux personnes, pas à la Kolifata, aux personnes, aux Kolifatos. Après il y a des dons individuels, ils font un peu de vente de DVD, de t-shirts, tout ça, mais économiquement ça va mal, quoi. Et c'est aussi parce que c'est pas reconnu comme étant soignant, enfin Voilà. Au point où il y a eu des. Ouais, je vais en parler quand même, mais. Par exemple, il y a eu des reproches qui ont été faits aux personnes qui travaillent à la Kolifata comme étant des personnes qui se faisaient de l'argent sur le dos des fous. Et ces reproches-là, ils viennent à peu près clairement de 2-3 médecins qui ne supportent pas la Kolifata à l'intérieur de l'hôpital. Après, tous les médecins, il y a des médecins qui viennent tous les samedis à la Kolifata, qui viennent parler à la Kolifata et qui pensent que c'est essentiel que ça existe. Voilà, c'est. Mais ouais, du coup voilà, il y a aussi ces critiques-là, par exemple, ces espèces de rumeurs qui circulent, comme quoi ils se font de la thune sur le dos des patients, sur le dos de la folie. Et ça vient généralement de psychiatres qui, eux, se font réellement de la thune sur la folie, puisque c'est la base de leur travail, mais de soigner des fous. Seguimos en los jardines. Toujours depuis les jardins de l'hôpital Borda. Y ahora le damos el paso. On va maintenant donner la parole à. Yo creo que. Je crois qu'on peut dire que c'est la meilleure commentatrice. Simplemente Plumita. Adelante Plumita, gracias. À toi la parole Plumita. Loco no quiere decir enfermo. Fou ne veut pas dire malade. Tout le monde pense bien parler, mais personne ne parle bien. Loco no quiere decir enfermo. Fou, ça ne veut pas dire malade. Fou, ça ne veut pas dire mauvais. Fou, ça ne veut pas dire sale. Fou, ça ne veut pas dire pauvre, riche. Rico. Loco quiere decir loco. Fou, ça veut dire fou. Si on regarde dans le dictionnaire, loco en espagnol. Loco viene de locuaz, de elocuente. Ça vient de loquace, éloquent. ¿Qué quiere decir demente? No quiere decir sin mente. Dément, ça ne veut pas dire sans mental. Si uno ça veut dire qu'on en a du mental. Quiere decir la palabra loco, no estaría utilizando si on savait vraiment ce que ça veut dire fou, on l'utiliserait pas associé à des termes qui n'ont rien à voir. Que puede ser un loco sucio. Il peut y avoir des puede fous ser un loco sales, criminal. Des fous criminels. Puede ser un loco bueno, des un fous loco bons, manso. Mais on ne peut pas Pero associer no le nom à l'adjectif, la parce que l'adjectif, ça dépend de la personne. Calificativo. Porque el calificativo se lo da de acuerdo a la persona. Locura la folie, no tiene ça por qué pas être estar attaché comme a avec une chaîne otro à un autre mot. Término, como si fuera una cadena. El cuerdo es diferente al loco. Y si le Saint-Esprit yo voy a mirar est différent la vida du fou. Desde el prisma, et si je veux regarder cuerdo, la vie depuis no le prisme puedo. Du Saint-Esprit, no je ne peux nunca. Pas. Porque je ne pourrai jamais, parce que ya, je suis déjà passé par cette de étape d'être saint d'esprit. A la locura para poder seguir viviendo. Et je suis arrivé à la folie pour yo pouvoir continuer à vivre. J'ai été saint d'esprit à un moment. Yo tengo la, gran intriga de mi vida, la grande question de ma vie, c'est de saber savoir si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Si je dois me soigner ou si je dois moi-même faire la révolution qui justifie ma propre folie. Yo fui cuerda alguna vez. Yo estoy en el manicomio. Llegué a la locura para poder salir. C'est dans la merde financièrement, mais paradoxalement, ça a énormément essaimé au niveau international. Il y a plein de soit de radio, soit d'émissions de radio qui se sont créées sur ce modèle. Complètement. Bah, alors ça, la Kolifata, c'est les premiers à avoir émis à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Il y avait déjà d'autres expériences radiophoniques auparavant, notamment en France, avec la clinique de la Borde. Et au début des radios libres, je crois que c'était avec Radio Tomate qu'il y avait eu des émissions qui avaient été faites avec des patients de la Borde, de la clinique de la Borde. Mais réellement, c'est sûr que au niveau de l'image, le capital image de la Kolifata, ça c'est sûr qu'ils l'ont, qu'ils ont un vrai capital image, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a une radio qui se monte depuis 3-4 ans maintenant qui s'appelle Radio Citron. Et eux, ils disent clairement que leur modèle, c'est la Kolifata, c'est la suite. Ils ont décidé de monter ça à la suite d'une projection d'un film, d'une projection d'un film sur la Kolifata. À Barcelone, pareil. À Toulouse, il y a eu ça à un moment. Je sais pas trop où ils en sont à Toulouse d'ailleurs. Au Mexique, en Amérique latine, par exemple, il y en a maintenant quasiment dans toutes les grandes villes. Hein. Il y a à Mexico, il y en a une. À Montevideo, il me semble qu'il y en a une. Il n'y en a pas en Bolivie. Il y en a. Au Brésil, il y en a aussi. Il y en a deux ou trois. Après, qui sont... à la différence, je vais dire, de la Kolifata, c'est que la Kolifata, ça a été créé à la base sur un truc assez précaire, qui était quelqu'un qui avait envie de donner la parole à des personnes à qui on la donne pas d'habitude, mais qui était que stagiaire, c'est-à-dire pas rémunéré, qui avait aucune importance dans l'hôpital, qui s'emmerdait dans l'hôpital et qui... Et au final, c'est... Moi, maintenant, je dirais que la Colifata, c'est une institution maintenant, mais à la base, c'était juste un désir, la Colifata. C'était juste une envie. Et c'est vrai que, par exemple, les autres radios qui se montent, maintenant, généralement, sont quand même sur l'envie de faire une institution comme la Colifata, mais c'est une émergence institutionnelle, en fait, qui peut avoir vraiment ses avantages. Hein. Par exemple, moi, je trouve que Radio Citron, ce qu'ils font, c'est vachement intéressant, et que le fait d'être institutionnel, ça leur permet d'avoir une subvention importante toutes les années. Donc, je sais plus à combien elle s'élève, enfin, de toute façon, je crois que... rester discret sur ce genre de truc, mais voilà, il y a, c'est sûr qu'il y a une image en tous les cas de la Colifata. Alfredo, on lui paye super souvent des voyages pour aller en France ou à Barcelone pour venir parler avec un patient, mais on lui paye le voyage, quoi. En fait, on paye, moi ça me donne un tout petit peu l'impression qu'on paye un peu une image, quoi. Bon, après, des fois on lui demande de venir faire Radio Citron, par exemple, lui demander de venir régulièrement pour faire une semaine de formation, tout ça, c'était vachement intéressant. Après, c'est pas de l'argent qui va directement à la Colifata, ou en tous les cas, c'est pas assez pour pouvoir penser à faire d'autres choses. Il y a eu, en fait, en gros, je pense que à la suite de l'album sur Manu Chao et à la suite du film de Coppola, il y a eu une énorme entrée d'argent qui a fait imaginer plein de choses aux gens de la Colifata. Et que peut-être, là, maintenant, ils se confrontent au fait qu'il n'y ait pas de thunes, quoi. Mais oui. Peut-être que ça va... Après, ça peut aussi changer. Hein. Moi, je ne sais pas, le fait qu'ils soient retrouvés dans le bureau de la présidente, je pense que ça peut aussi débloquer, par exemple, peut-être un moyen de débloquer un peu d'argent, vu qu'ils leur ont donné ils lui ont donné des t-shirts. Je me dis peut-être qu'elle va donner un peu d'argent en échange. Slam à Panam City. Putain de putain. Dédié aux gitans. Tu étais allé voir le bon Angel. Vos ha sido a encontrarlo al buen Angel. Que su primer nombre es Miguel. Vos habías pasado una memorable tarde. Vos estaba enamorado de la más bella. Ustedes estaban al punto de amarse cuando surgió el cowboy Johnny. Puta de puta, como es difícil los fines de meses en Panamá. Tu avais l'amour dans les chaussettes. Vos tenías el amor en los soquetes. Tú no estabas nada neto, tú no estabas en tu plato, vos te ibas a la indiana fiesta. Ustedes estaban al punto de amarse. Quand a surgi le cowboy Johnny? Cuando surgió el cowboy Johnny? Puta de puta, como es difícil los fines de meses en Panama City. Puta de puta de chancho de aquí putain abajo. Putain de putain de cochon d'ici bas. Charlie el boludo es un furioso maricón. Es el boludo y completamente il est loco. Con. Et complètement fada. En su mierda de cabeza pululan las ideas. Caboche, pulule les idées. Vous étiez sur le point de vous aimer. Ustedes estaban al punto de amarse. Cuando su río el cobo Johnny. Puta de puta, como es difícil los fines de meses en Panam City. J'irai lui payer un ou deux kawa. Yo irai a pagarle uno ou dos cafecitos. Por supuesto parado en el mostrador. Yo desearía lo que pueda ser festejado en verano, en amor, en el negro. Ustedes estaban al punto de amarse cuando surgió el cowboy Sarkozy. Puta de puta, como es difícil los fines de mes en Panam City. Mais justement, là, ça va faire bientôt 20 ans que ça existe. Est-ce qu'il y a eu, il y a eu une évolution, ou est-on parlé d'une évolution perceptible de la Kolifata? Ça fait même 20 ans, parce que c'est 90 en fait, réellement, qu'il a commencé son stage. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des renoncements, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une adaptation à des nouvelles, nouvelles demandes? Est-ce que toi, tu peux parler de ça? Bah alors, moi, j'y suis allé là, j'en reviens, il y a un mois, j'y étais pour deux mois, du coup, j'ai vraiment une mini-vision de ce qui se passe maintenant. Après, je sais que par exemple, la Kolifata a essayé de monter à un moment une télé Kolifata. Qui a un peu marché, mais vraiment pas au même titre que la radio. Ils ont très vite abandonné le projet. Ils comptent peut-être le faire repartir à un moment avec d'autres personnes, qui travaillent dans l'audiovisuel, par exemple, plus dans le média télévisuel. Javier Calamero, je crois, qui est une espèce de rockstar en Argentine qui vient souvent à la Kolifata et qui voudrait faire son clip à la Kolifata, son prochain clip à la Kolifata. Il y a des projets comme ça assez événementiels en fait qui permettent, je pense, à chaque fois de redynamiser quelque chose. Et ça, c'est essentiellement lié au fait que la Kolifata aussi a développé un lien énorme avec l'extérieur. Parce que sans cet extérieur-là, la Kolifata pourrait... Bah, de toute façon, on n'aurait pas de raison d'être, en fait, au final. Du coup, bah, par exemple, ils sont quand même là pas mal mobilisés sur l'histoire de la nouvelle loi. Voilà, il y a des prétextes à des mobilisations, quoi. En tout cas, à relancer des choses un peu nouvelles. Et oui, je pense que ça a clairement évolué du moment où Alfredo il venait avec son petit enregistreur portatif à l'album avec Manu Chao ou au dernier film de Coppola. Enfin, c'est sûr qu'il y a une évolution et que voilà. Là, il se pose la question actuellement un peu de savoir pourquoi il y a moins en moins de patients et de plus en plus de visiteurs qui viennent. Mais je pense qu'ils vont en plus trouver une solution parce qu'ils en parlent. Ils en parlent tous ensemble, ils en parlent bien en fait aussi, généralement. Peut-être un nouveau projet, c'est pour ça que j'y suis allé, c'était aussi l'idée peut-être de développer un... Ah si, ouais, non, mais j'ai pas parlé de ce projet-là qui est quand même un peu énorme en plus dans le cadre de ce week-end-là, mais c'est qu'ils ont le désir là de faire une internationale radiophonique des sans voix, en gros, et où ça... Donc là, il va y avoir normalement en 2012, ils vont organiser à Paris le premier regroupement des radios Kolifata un peu, ou radio Kolifata ou assimilé. Le premier regroupement des radios Kolifata du monde en fait à Paris en 2012, si ça se fait. Voilà, ils essaient. Paris ? Puisque c'est en Amérique latine qu'il y en a majoritairement. Bah parce que là je crois que l'idée c'est justement de que ça se passe que ça soit sur un truc international parce qu'il y en a quand même beaucoup il y en a aussi en Italie, il y en a aussi en Espagne, il y en a aussi du coup en France. Et je pense que c'est aussi un moyen de faire venir les gens d'Amérique latine en Europe, quoi. Mmh. Et l'objectif, ce serait... L'objectif, ce serait de se coordonner ou je sais pas trop. D'échanger des expériences, certainement. Et je crois que c'est aussi l'idée de... Parce qu'à un moment, ils avaient même l'envie de faire... En Espagne, ils avaient envie de faire une radio avec un peu tous ceux que... tous ceux qu'on met entre l'hôpital psychiatrique, la prison, la rue. Voilà, de commencer un peu à fédérer tous ces endroits où il y a des voix qu'on n'entend pas d'habitude qui s'expriment. Et du coup, bon, ça, c'est pas à voir avec ce projet, mais moi, personnellement, je suis parti là-bas parce que j'aimerais mettre en place un échange radiophonique entre Paris et Buenos Aires, parce que quand même, la radio, ça reste un média assez génial pour ça, de pouvoir traverser les océans assez facilement, plus facilement que qu'en avion en tout cas. Et bon, il y a des liens qui existent déjà, par exemple, entre Radio Citron et Radio La Colifata, mais donc l'idée, ce serait de pouvoir les faire, de transformer ces liens-là en quelque chose de radiophonique, en fait, et de... Voilà. Donc, je suis parti là-bas avec une émission, déjà, qui a été enregistrée en France pour l'Argentine. Et là, on est un peu dans l'attente de l'émission retour. C'était l'histoire douce dingue de Radio La Colifata, avec Clément Marmouz, tout juste de retour d'un stage dans cette radio qui émet depuis l'hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires, en Argentine. Vous y avez entendu des questions de Marie-Pascale de Radio Zinzine, des extraits d'émissions de la radio et de la télé La Colifata, ainsi que de Transatlantique, le montage réalisé à l'attention de La Colifata par Clément et des membres de Radio Citron. Cette émission sera rediffusée samedi 29 à 1h si vous êtes marseillais sur le 88.4 de Radio Galère et mercredi 9 à 10h sur le 106.3 de FPP si vous êtes parigot. Et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, allez donc faire un tour sur www.intempestif.net où vous retrouverez l'émission en écoute et téléchargement, accompagné de liens vous permettant notamment d'aller écouter Transatlantique dans son intégralité. Desde el Borda. La Colifata. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommander.